Le regard hypocrite, il est pris à gueule. Quand c'est que tout te poil, se cache la haine et la misère. Tu crois qu'il est gros, mais en fait il est maigre. Simulateur. Tu le croises et te regardes de haut. Tu sous regardes hautain. Il a même appris à fumer avec ses pieds. Il fume le shorty avec son maître, il l'attaque jamais. Mais dans sa tête, jamais ce qui peut se passer. Conspiration. Le regard hypocrite, il est pris à gueule. Quand c'est que tout le poil se cache la haine et la misère. Tu crois qu'il est gros, mais en fait il est maigre. Simulateur. La boue à boue et cul, c'est pas une preuve ça. Clépa, les philosophes sont d'accord avec nous. Écoute. De tous les combats de son temps, une jeune femme ouverte aussi à la multiplicité des interrogations avec le monde. T'as vu? Arrêtez de faire l'hypocrite. Arrêtez de promener. Il va faire lâcher dans ses troncs. Trouve-moi. Une existence difficile. Parce que... Le lèvre est encore. C'est tout.